Bonjour. Je vais d'ailleurs proposer à notre prochain congrès que le 30 avril devienne la fête de la liberté pour le Front populaire ivoirien. Ça fait depuis 26 ans que je me bats pour que ce jour arrive. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire, nommé le 7 novembre 1990 dans la logique de la réforme institutionnelle, est Alassane Ouattara, qui le même jour s'adresse à la nation.